Je veux voir ce qu'on fait, même des années après l'ancien. Laisse pas traîner ta fille, on va la tromper. Axel ou pas, si un pas tu parles, j'écoute pas, mais j'entends parler tranquille. Contre mes trophées, à me chauffer, je vais lui scraper sans mes longues vies. Et putain, Rosac, c'est 3 égale 3K. Faire une chaussette, y'a pas de vodka. La beuh dans le crâne de la vodka. Y'a pas de condé, allo, rigo. Si tu décroches, allo, prison. Balance ton port, frérot, je l'anime. Palais, netto, ligo de la nuque. Déclare le soir, on paiera jamais pour quand t'as pas nous chouette. Et ton mali, moi je t'amène le soir. T'es mort au final, mais ma gueule, on vous souhaite. C'est plus la même qu'avant, j'suis dans le plat, mon ganté, je king alligator, on fait partie des grands. Longue vie, maman Ayo, j'm'envole vers Pattaya. Si j'grattais pas un euro, j'aurais déjà arrêté le peur. Longue vie, à Tony mec, j'suis derrière, gros fait bellec. Elle effectue tu l'booty check, j'suis Bergman, j'suis Gucci man. Le gros en banque, blindé comme une porte, rabat dans la part. J'peux pas big rab à perte, j'peux pas big rab à perte. C'est moi qui gagne, j'connais toutes les classes, j'connais toutes les failles. Rolex dans la fouille, au pied j'y perds le smile, mais je m'en bats les couilles. Longue vie, Kounia Mamao, JP et Kaskaraï, ta grand-mère la pute en stream, triple platine en stream. Longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi, longue vie, elle dit comme moi. Parle pas, va de l'avant, si maghrébin vend de la dent, patate dans pomme d'Adam, c'est la même bande qu'avant, hein. Longue vie, ni comme moi, que les mains faites pour leur sang dans des zoules. Pour mes bougnoules qui soignent coup de chasse aux Zizitoun jusque d'or. J'aime toujours avec celui qui a prêté 20 euros ouais, ton corps. La rue du sud c'est dans ta chenec. C'était ta queue avenue montagne j'en rêvais. T'as vu mon teint c'est l'été. Soulagé quand je suis sur Alger. Tu m'en as un bon cas je suis Rachel. Pas de c'est ça entre nous c'est la même. Nos remets touchent les allocs. Ensemble on met la pression sur ces salopes. Fais de la corde, travaille le cardio fort. On veut au fond du fort. On disait non, à long terme c'est hard. Allume l'antenne c'est wham. Prévra l'envie et lui comme moi. L'envie. L'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie elle est comme moi, l'envie.